cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومن لطفه بهم. On est toujours dans l'explication du nom Al-Latif. قال رحمه الله ومن لطفه بهم. تقدم معنا أن اللطف ça ressemble à الرأفة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. فمن لطفه أنه يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ساس من لطف الله عز وجل أنه يقدر على العبد des مصائب محن ابتلاء des épreuves des maladies des choses qui lui font du mal en apparence لكن هذا من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى يكفر سيئات العبد l'élève en degré ربما c'est une leçon très très importante pour ce عبد سيستفيد منها كثيرا المحن والابتلاءات pour le مؤمن. Al-Haqiqa, c'est des fawa'id, c'est des leçons pour lui. Lakin, la'bud min sabr, il faut patienter bien sûr. Kadhalik ihtisab, ikhlas, wa sidq ma'allah, il faut être sincère. Et comme a qala, azza wa jal, wa asa an takrahu shay'an, wa huwa khayrun lakum. Peut-être qu'une chose, en apparence ou au départ pour nous, c'est un mal alors que c'est un énorme bien. وتقدم dans le درس précédent des معاني حول هذا et كذلك سيأتي إن شاء الله d'autres points qui vont détailler ce point qu'on vient de lire ensemble. قال ومن لطيف لطفه بعبده إذا أهله للمراتب العالية والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمره رعاية الغنم. وهذه فائدة عظيمة أن من لطف الله عز وجل أنه يقدر للعبد في ابتداء أمره au départ بعض الأسباب أي certaines causes qui vont te pousser à atteindre un haut niveau. Ça, ça nous montre أنه لا ينبغي الاستعجال. Tant que tu es à la khair, tant que tu fais du khair, tant que tu es sincère, ne néglige pas le bien, même s'il est minime au départ. يتأمل مثلا ما يتعلق بالعلم دي بيتي ليفر او دي ليفر ريزومي او ديبار دي مسائل تري تري تري سامبل. وهكذا الانسان يتدرج حتى يصل باذن الله جل وعلا الى المنازل الرفيعه. اما البعض يسبريسيبيت ربما يفل ديريكتومون اتاندر لي او نيفو et il n'emprunte pas la voie du prophète alayhi salatu salam ou de ses compagnons radiyallahu anhum. Et en fait, à la fin, il n'atteigne pas les hauts niveaux. Il n'atteigne pas grand-chose. Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddir lil'abd des asbab au départ. Kama qala lil asbab allati ahalla laha liyatadarraj min al-adna ila al-a'la. At-tadarruj, ay petit à petit, hatta al-insan il arrive à Inch'Allah, une manzila tayyiba, que ce soit fil ilm, que ce soit fil amal, que ce soit dans le comportement. Fallah subhanahu wa ta'ala, alimun khabir. Et il a cité hadha al-mithal al-tayyib. Qala, wa hadha kama qaddara li Moussa wa Muhammad, وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم au départ كثير من الأنبياء ils faisaient هذا رعاية الغنم أي s'occuper des troupeaux c'était des bergers عليهم الصلاة والسلام كثير منهم pas tous لكن قال ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم هذا من حكمة الله ومن لطفه عز وجل لأن celui qui s'occupe de troupeaux d'animaux فلا شك أنه سيستفيد il va apprendre beaucoup de choses فالأنبياء الله سبحانه وتعالى وكثير من الأنبياء قدر عليهم أنهم ستدبرجي حتى يسابتوا à diriger un groupe à s'occuper d'un groupe قليلا قليلا ils ont reçu la révélation حتى ils se sont occupés de أمم من الناس أي de beaucoup de gens قال وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى et ça c'est من لطف الله ربما من عبادة au départ tu peux pas la faire c'est compliqué c'est dur pour toi tu n'as pas l'habitude il faut شيء من الصبر إلى آخره فالله سبحانه وتعالى يقدر لك une عبادة inférieure qui est moins difficile pour toi et هكذا قليلا قليلا حتى tu atteins le niveau de ceux qui ont appliqué la عبادة dont tu avais du mal au départ ou que tu avais du mal à faire au départ que ce soit al-hijra que ce soit l'ilm مثلا celui qui ne peut pas faire al-hijra au départ فلا يحرم نفسه لا يحرم نفسه أنه ولو يفواياج لان بلاد ان بلاد مسلم يفوى الخير ربما يبقى سابيتوي تخي تخي فيت حتى ولله الحمد يرتاح ولا يشعر أي ne se rend pas compte en certain, une certaine durée il n'a plus envie de retourner في بلاد الكفر ثم ولله الحمد النية elle vient dans son cœur l'intention أنه il veut plus quitter ce بلاد مسلم il veut plus retourner في بلاد الكفر الحمد لله ça devient مهاجر في سبيل الله وهكذا العلم Au départ, tu as du mal à apprendre, à mémoriser certaines choses. Hakadha qalilan qalilan, hatta cette chose au départ dont tu n'imaginais même pas, tu pensais même pas que tu pouvais y arriver, tu y arrives. Qui c'est qui a qaddar hadhihi al-asbab, ay hadha at-tadarruj, ay petit à petit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et hadha c'est min lutfih. Et ça nous montre que si on peut pas faire une chose au départ, on délaisse pas le reste. Tu ne peux pas faire certaines choses, fa délaisse pas le reste. Il y en a cette chose que tu vas faire, Obama qui a moins de récompenses, qui est moins difficile. Peut-être que cette chose, ça va être la cause qui va t'aider à faire une chose plus importante, ou avec une plus grande récompense. قال رحمه الله ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. قال ومن لطفه بعبده. Tout ça, on répète, c'est des exemples que Cheikh Saadi rahmatullah alayhi il a cité. Fa Allah subhanahu wa ta'ala c'est latif. Et la shak anna alladhi yurid an yatawassa' pour montrer des exemples de lutfullah subhanahu wa ta'ala bi 'ibadihi va citer beaucoup de choses. Fa Cheikh Saadi rahimahullah il te cite des exemples pour te montrer lutfullah 'azza wa jalla anna Allah c'est latif. Qala wa min lutfihi bi 'abdihi أنه يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أدبهم وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما امتن الله على مريم في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن avant de finir On résume هذا الأمر ce point أن من لطف الله عز وجل أنه يقدر لعبد أنه يغاندي dans une famille pieuse أو يغانكونتر un homme pieux أو يتدي chez un savant أو يفريكونت des gens pieux لماذا لأن الجليس يتأثر بجليسه أو بجلسائه أن الإنسان لا شك il est touché par ses fréquentations Ça, c'est min lutfillahi azza wa jal. Peut-être qu'une chose, tu n'aurais pas pu apprendre seul, tu n'aurais pas pu comprendre seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite il m'a avec un parent, il m'a avec un frère, il m'a avec un ami. Tu comprends cette chose et t'arrives à l'accomplir toi-même. Et تأمل في هذا المثال. قال كما امتن الله على مريم في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا إلى آخر. قال إلى آخر قصتها. نعم. سورة هنا من سورة آل عمران. قال ومن ذلك أو هنا cet exemple qu'il a cité, أن زكريا عليه السلام c'est lui qui s'est occupé de Maryam. Min Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadra hadha ar-rajul, il s'est occupé de Maryam. Et la chaque année, Maryam istafadat minha. Ibn Kathir, rahimahullah, naqalna huna qawla qala fi tafsir, wa innama qadra Allahu kawn Zakariya kafilaha li sa'adatiha wa li taqtabis minhu ilman jamman nafi'an wa amalan saliha. أن الله عز وجل لا قدر أن زكريا عليه السلام il s'est occupé de Maryam et Maryam استفادت منه de son comportement, de son علم إلى آخره. Qui c'est qui a قدر هذا? C'est Allah سبحانه وتعالى. C'est من لطفه بمريم رضي الله تعالى عنها. Elle avait plus de parents, elle n'a jamais été mariée, elle n'avait pas encore d'enfants, elle était seule. Allah سبحانه وتعالى قدر أن زكريا il s'est occupé d'elle. وابن كثير رحمه الله il a démontré أن بعض العلماء قالوا أن زكريا c'était le mari de sa tante. D'autres قالوا أن زكريا c'était le mari de sa sœur. على كل حال il y avait un lien. Et استفادت منه. وهكذا أنت ربما تستفيد من واحد tu le rencontres. Et au départ ما تدري que cette rencontre بإذن الله عز وجل elle va être utile في الدنيا قبل الآخرة. Et ça, c'est min lutfi Allah Azza wa Jal. Qala, wa min thalik idha nasha'a bayna abawain salihain wa aqarib atqiya au fi baladi salah au waffaqahu Allah li muqaranati ahli al-khayr wa sohbatihim au li tarbiyati al-ulama al-rabbaniyin fa inna hadha min a'zam lutfihi bi'abdih. Ça, c'est un lutf azim. Anna, si tu rencontres quelqu'un qui a du ilm, quelqu'un qui a la khair, tu peux profiter de lui. Fahmadillah Azza wa Jal. Et hadhihi an-ni'ma al-insan yahfadhuha. Yahfadhuha avec le bon comportement, avec le respect, avec l'ihtiram, avec le mahabba, avec le nusra. Hadha khasatan si c'est un alim min ulama as-sunnah. Annahu il le secourt bi'idhnillah Azza wa Jal autant qu'il peut. Il fait du'a pour lui, il le respecte, il l'aime fillah, il a un bon comportement. Limadha li anna as-ni'ma. C'est une ni'ma min ni'am illahi azza wa jal. Et l'insan, en patientant, il profitera kathiran. Qala rahimahullah, fa inna salah al-abd mawquf ala asbabin kathira minha, bel min aktharha wa a'zamha naf'an, hadhihi al-hala. Sahih, anna min asbab al-khayr. Il y a beaucoup de asbab. قال نعم فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة أي أسباب الصلاح pour devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a du علم. Il y a beaucoup de causes. Et parmi les causes les plus importantes كما قال الشيخ سعدي رحمه الله c'est de fréquenter أهل العلم et أهل الخير. لماذا لأن الإنسان il profite de ses compagnons, de ses amis, de ses proches. وهكذا العكس أن من أعظم أسباب الفساد والانحراف c'est le julasa, c'est les fréquentations. Parmi les plus grandes causes d'égarement c'est les mauvaises fréquentations. فالإنسان يحرص على جلساء الخير et il fait attention à جلساء السوء. قال ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل السنة. Et ça c'est من لطف الله عز وجل. أن الإنسان grandit dans une ville ou dans un pays où qui a du ilm, qui a as-sunna, qui est propagé le Coran, qui est appliqué. Ou ses proches, ses membres ils sont à la sunna. Ou ses amis sont à la sunna. Ou il étudie عند أهل السنة. هذه سنة عظيمة. قال يستفيد منهم الأحياء يستفيد منهم الأحياء منهم الأموات أهل السنة وتقى. نعم فهنا سألف وتقى. قال فإن هذا من اللطف الرباني ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة والتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر. هذه النعمة ولا يعرف هذه النعمة إلا ce qui donne de l'importance au ilm. Après avoir cité les exemples de Annamin Lotfillah, Allah subhanahu wa ta'ala il fait miséricorde à ses ibad avec l'entourage qui sont à la sunna, avec les savants. Il a cité un exemple qu'on connaît tous, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. هذا الرجل c'est min Lotfillah عز وجل pour l'ibad. C'est une rahma. Allah subhanahu wa ta'ala وفقه et lui a facilité. Il a facilité l'ilm, la patience. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et en fait, ça a été une énorme cause de khayr pour l'umma, de bien pour toute la communauté. Lui et ses élèves, rahmatullah alayhi. Qala, que ça soit fi al-ilm, que ça soit fi, bien sûr, jihad ahl al-bida' wa al-ta'til wa al-kufr. Kam yastavid talabatu al-ilm min shaykh al-islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ou son élève Ibn Al-Qayyim rahimahullah ou d'autres ses grands élèves comme l'imam Al-Zahabi, l'imam Al-Kathir, l'imam Al-Rajab, etc. fi bayan shubuhat ahl al-bid'ah al-mu'attila, que ce soit al-Mu'tazila, al-Jahmiya ou al-Asha'ira, et bien sûr dans d'autres points, tout ça c'est min lutfillah azza wa jal. Pourtant هذا l'imam, il est mort il y a des siècles entre notre génération et la sienne rahmatullah alayhi, il y a des siècles. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bil ibad. On profite de son ilm jusqu'à aujourd'hui avec ses livres et les efforts de ses élèves et ceux qui ont profité de lui jusqu'à aujourd'hui. قال ثم انتشر كتبه في هذه الأوقات فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها وأنه يتوقف خير كثير على وجودها فلله الحمد والمنة والفضل. Ça c'est pour ceux qui donnent de l'importance au ilm. Et ça te montre que min lutfillah azza wa jal c'est kutub al-a'imma, que ça soit les anciens ou les contemporains, c'est une ni'ma azima. C'est pour ça qu'on doit donner de l'importance nahnu à hadha khassatan kutub hadha al-imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Fa jaddada 'ilm as-salaf, et il a résumé, il a expliqué la voie des salaf, tous les imams qui étaient avant lui. Et c'est la référence pour tous les imams qui sont venus après. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a. C'est Cheikh al-Islam, haqqan. C'est min a'immati al-muslimin. Celui qui ne l'aime pas ou qui n'aime pas son manhaj ou sa aqidah, fattahimhu. Il a un problème là, chak. Imma c'est un ignorant, il répète ce que certains ignorants disent. Imma c'est un munharif, un dhal. Imma c'est un zindiq, imma c'est un mubtadi'. Wa illa ba, هذا الإمام جدد دين الإسلام رحمة الله عليه. Et hakada ses élèves. Hakada, il a eu beaucoup d'élèves. Ibn Abdel Hadi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, l'imam Al-Zahabi, Ibn Kathir. Et beaucoup, beaucoup qui ont profité d'eux. Et kadalik les élèves d'Ibn Al-Qayyim, et kadalik les élèves de l'imam Ibn Kathir. Ou hakada. Hakada, jusqu'à nos jours, anahum, ils ont profité de hadha l'imam. Fal'inaya bi kutubih. Ah, Cheikh al-Islam et son élève, Ibn Al-Qayyim. Et les autres, bien sûr. Imam Al-Kathir, Imam Al-Rajab. فالعناية بكتب هؤلاء العلم c'est في هذه الكتب. On n'a pas le droit de délaisser هذه الكتب et de prendre des gens imma des égarés, imma on ne connaît pas, imma ils sont ضعيف العلم. Là. Et pour prendre de هؤلاء tu dois profiter des savants contemporains. Les savants contemporains ils يشرحون دائما ولله الحمد les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir إلى آخره. كذلك les livres des salafs avant eux. Alhamdulillah, l'insan, il profite du ilm des savants, que ce soit les anciens ou les contemporains. قَالَ وَمِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ أَنْ يَجْعَلْ رِزْقَهُ حَلَالًا فِي رَاحَةٍ وَقَنَاعَةٍ يَحْصُلْ بِهِ الْمَقْصُودِ وَلَا يُشْغِلُهُ عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بَلْ يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيُفَرِّغُهُ ويريح خاطره وأعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها. Ça c'est un autre point très très important. من لطف الله عز وجل أنه يدن à son عبد à son serviteur رزقا حلالا. Et تأمل هنا أن الرزق لا بيت qualifié de كثيرا. لا رزقه حلالا même si c'est peu. بل قال وقناعة. القناعة ça montre أن même si l'insan il a peu, c'est une ni'ma azima. C'est une ni'ma azima si tu fais des efforts, si tu fais des efforts pour appliquer ce que Cheikh il a cité, rahimahullah. Qala, wa la yushghiluhu amma khuliqa lah min al-ibada wal-ilm wal-amal. Amma le rizq qui éloigne l'insan de l'ibada ou l'ilm ou l'amal, c'est une fitna. Même si c'est beaucoup. C'est une ni'ma. Et probablement c'est un adab. Al-ibad, l'adoration, al-ilm, la science, l'amal, l'application. Ça nous montre que si on fait des efforts pour travailler ou pour avoir de l'argent halal, et ça c'est matloub, c'est quelque chose de légiféré, c'est quelque chose d'important, c'est pour nous faciliter notre dîme. Amma travailler nuit et jour, sans arrêt, al-insan il a ce qui lui suffit, lakin il veut toujours plus, c'est une fitna. Sallallahu alayhi wa sallam, l'insan il fait très très attention. Comme les gens, au départ, ils ont travaillé. Et au départ, ils avaient cette niya, Nahum, c'est pour subvenir à leurs besoins. Et quand ils auront de quoi manger, de quoi se loger, de quoi se vêtir, alhamdoulilah. Thumma shaitan, il ouvre des portes si tu ne fais pas attention. Hatta ba'd al-ibadat al-muhimma, tu ne peux plus les faire. Et ça, c'est une musiba. Ou plus d'ilm. Et l'amal, il devient vaïf. Et ce travail, il prend toute la place, des années. Le travail, c'est pas un objectif. Là, c'est une wasila, c'est un moyen. C'est un moyen. Comme tu manges pour te lever, pour te déplacer, notre objectif, c'est pas de manger. On mange, alhamdoulilah, très rapidement. Et ce qu'on trouve, ce que Allah nous donne, et c'est pas une fin en soi. On vit pas que pour chercher à manger, que pour trouver à manger. C'est la même chose. العمل أي للتخاوي طلب الرزق فمن لطف الله سبحانه وتعالى أن إذن هذا العبد رزق حلال même si c'est peu. Et on va voir que أحيانا c'est peu في الحقيقة c'est من لطف الله c'est une ni'ma. Si ça serait beaucoup ça fait beaucoup de mal à l'insan. ثم هذا الإنسان parmi sa reconnaissance il sait que هذا c'est من لطف الله c'est Allah qui lui a donné ça ne doit pas l'occuper عما خلق له. C'est ça l'objectif. On n'a pas été créé pour travailler là. On a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal, pour apprendre, pour mettre en application. Et bien sûr, le travail, celui qui a une bonne niya, il est récompensé. C'est des choses qu'on a besoin pour adorer Allah Azza wa Jal. Là, il ne contredit pas l'autre. Lakin, il ne faut pas que le moyen, ça devienne un objectif. La cause, ça devient plus une cause. Ça devient, iyadan billah, le pourquoi l'insan l'a été créé كأنه que pour ça. Ça c'est une fitna. قال ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها. ربما الإنسان pense que cette chose c'est bien. Ça y est, il va en profiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamoun. Nous, on pense savoir, mais on n'a pas de certitude. Et madali, on ne connaît pas. On ne connaît pas l'invisible. On ne connaît pas ce qui va se passer demain. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Fallah subhanahu wa ta'ala ya'houl. Beyna hadha l'abd wa beyna hadha shay de dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne pas cette chose à ce abd. L'imad, il y en a cette chose. Si le abd, il arrive à acquérir cette chose, ça lui fera beaucoup de mal. Que ça soit argent, que ça soit des choses de cette dunya. Ça, c'est min lutfillahi subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre qu'on doit accepter notre qadr. On doit dire alhamdulillah. C'est une chose qu'on voulait, on n'arrive pas à l'avoir. Que ça soit argent ou un bien parmi les biens de cette dunya, on dit alhamdulillah. Peut-être que cette chose, si tu l'aurais eu, ça t'aurait fait beaucoup de mal. وهذا تقدم معنا et ça c'est من لطف الله. فيظل العبد كارها ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. Et ça, في الحقيقة الذي يتأمل هذا il le met en application سيرتاح في الدنيا كثيرا. Ne regarde pas que ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. فقوله قد لطف به أي الله سبحانه وتعالى حيث أبقى له الأمر النافع. Si tu n'arrives pas à avoir une chose, n'oublie pas ce que tu as. Tu as la bonne santé, tu es un musulman, tu arrives au lait, à faire des efforts, fais l'ilm, tu t'efforces à mettre en application. N'oublie pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a laissé, alhamdulillah. Et ce que tu n'as pas eu, réfléchis comme ça, rompama c'est un mal pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, c'est le rahim. Et tu verras que ça va te faciliter beaucoup de choses. Ba'adhanna c'est l'inverse, ce qu'ils ont ils l'oublient, ils tombent dans l'insouciance, ils ont un manque énorme de reconnaissance et ils pensent qu'à ce qu'ils n'ont pas. Ils sont toujours dans le mal, toujours dans la tristesse, toujours ils réfléchissent, pourquoi j'ai pas telle chose, pourquoi Fulani là. Ba'adhum, iyadun billah, ils disent kalam khatir, j'ai pas de chance, j'ai... La chance ça n'existe pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui qaddar. Au lieu de penser avec la chance ou ces choses, pense, réfléchis en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est latif, il fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut et ça facilitera. Qala حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. هذا c'est ça qu'on a cité. الرضا, tu acceptes, tu es satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a qadar, il a décrété pour toi. Ça c'est من أعلى المنازل. لماذا؟ لأن celui qui va être satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a qadar, أولا il connaît Allah, هذا العبد. Il sait que c'est Allah qui fait tout, qui décrète tout. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim, il est raouf, il est latif, il est rafiq, il est kerim. Bah, tout ça, ça va le pousser à être satisfait. Ça, c'est min a'la al-manazil. Amma l'insouciance, avec l'ignorance, avec les mauvaises pensées, sou'udhan, la chèque, ça éloigne l'insan de al-rida, bel, des niveaux inférieurs. Qu'as-sabri la akhira, maman, hatta sabri patiente. Amma al-rida, c'est un niveau encore plus. Il patiente et il est satisfait. Et il aime. قال ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي. أحيانا tu peux pas faire une chose seul. الإنسان est ضعيف. Tu as un projet, tu veux faire un bien, tu veux aider, tu peux pas tout seul. كثير من ال من ال من المسائل il faut du ta'awun, il faut s'entraider. فالله سبحانه وتعالى يقدر أن هذا الإنسان il lui قدر أنه إما son frère, إما son père, إما un ami, إما des frères, il l'aide et il arrive à faire cette chose. Ça c'est من لطف الله. Tout seul tu n'aurais pas pu. الله سبحانه وتعالى يقدر une personne qui t'aide. Et تأمل الآيات qu'il a cité عليه رحمة الله. قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أي لا demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un وزير. الوزير هنا c'est بمعنى المعين, quelqu'un qui va l'aider. موسى il avait besoin, il ressentait أنه seul ça allait être compliqué, واحد qui l'aide. تعلمون أن الصاحب الصادق خاصة s'il est à la خير, il a du علم, il aide beaucoup. ربما توجيه, un conseil, une nasiha. أحيانا quand أنت تفبلي هو يبخن لا غلاف وهكذا شأنه الأخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنية. المؤمن avec son frère c'est comme une construction. La construction tu peux pas construire avec une chose, là il faut beaucoup de choses, beaucoup de pierres, beaucoup de briques, إلى آخره. حتى tu fais cette construction وهكذا الإنسان il a besoin d'aide. فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري اشدد به أزري واشركه في أمري. قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نعم. Tout ça, c'est Fihal Moussa, alayhi salatu salam, et son frère Haroun. Ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri. Tout ça, ça montre, ça c'est des ma'ani qu'on a cités, nous, brèvement. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran. Le rôle de Haroun, il a aidé son frère, et ta'awana ma'ah, il l'a assisté, il a akhiré. Tout ça, c'est min lotfillahi azza wa jil. Qal, wa kadhalika amtanna ala Isa bi qawlihi. وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. الشاهد الحواريون. نعم. وَإِذْ أَوْحَيْتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ. نعم. الحواريون c'est الأنصار. Hey, c'est ceux qui accompagnent هنا عيسى qui l'ont aidé, qui l'ont secouru. هؤلاء c'est الحواريون. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ نعم أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. فالشاهد هنا c'est le premier, dans les premiers versets c'est Harun qui a assisté Moussa عليهم الصلاة والسلام. Et dans le deuxième verset وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ الْحَوَارِيُونَ qui ont assisté عيسى عليه الصلاة والسلام. قَالُوا وَامْتَنَّ عَلَى السَّيِّدِ الْخَلْقِ فِي قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Troisième mithal, al-Sahaba, radiyallahu anhum. Premier mithal, Haroun. Deuxième mithal, al-Hawariyoun, et les compagnons de Isa, alayhi salatu salam. Et le troisième mithal, al-Mu'minoun, هنا, c'est al-Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, alayhi salatu salam. قال وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته ومن هذا لطف ومن هذا لطف الله بالهادين. الهادين, ça vient de l'Huda, et ceux qui montrent le bon chemin. إذ قيض الله من يهتدي بهداهم. Avant de continuer, قوله هذا لطف لعبده خارج عن قدرته. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire seul. هذا c'est واضح le premier exemple. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité à ses messagers et les a assistés avec des autres personnes. Haroun et les compagnons de Isa, de Moussa ou d'autres prophètes. عليهم الصلاة والسلام. قال ومن هذا un autre exemple dans une chose qui est خارج عن الطاقة et ربما الإنسان il est récompensé. ومن هذا لطف الله ومن هذا لطف الله نعم ومن هذا نعم لطف الله ومن هذا نعم ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف من المضاعفة أي الأجور les récompenses elles seront multipliées بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله. Ça ressemble, c'est pour ça qu'il l'a cité juste après. كذلك الإنسان أحيانا les récompenses elles sont multipliées pour lui, il n'aurait pas pu avoir ces récompenses avec ses simples œuvres. فالله سبحانه وتعالى من لطفه أنه يقدر أن هذا الإنسان يبخفتخ جو خير. On continue. قال بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد مجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي. ربما الله سبحانه وتعالى يقدر une chose et هذا الإنسان il profite de أجور كثيرة, beaucoup de récompenses, alors que son عمل il est يسير. هذا on l'a expliqué ensemble في شرح رياض الصالحين. ولله الحمد. قال ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له السرور ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه. من لطف الله عز وجل أنه celui qui donne عبد argent, enfant, femme, une maison, une monture إلى آخره. ثم هذا الإنسان لا شك أن ces choses ça rend heureux. فطرة الإنسان. Il aime les enfants, il aime l'argent, il aime le confort, il a أخذ. قال ثم يبدلي ببعض ذلك ويأخذه. ثم الله سبحانه وتعالى يبخس عبده et lui reprend une partie. إما un de ses enfants, إما une partie de son argent, إما sa monture, sa voiture à notre époque, il a أخذ. Et là, chacun là, ça touche l'إنسان. Ça le rend triste. قال ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. C'est pour ça que c'est une ni'ma fil haqiqa. Ta'ammalou. Cet enfant que ce musulman il a perdu, ou ce bien qu'on lui a pris, ou autre, pour lui au départ c'est, il le prend en général comme un mal, lakin si il patiente, wa yahtasib, ces deux choses, as-sabr et l'ihtisab, annahu il patiente et l'ihtisab, il espère anna cette musiba qui l'a touché, annahu il sera récompensé. S'il a ces deux choses, il patiente et il place sa confiance en Allah, et cette chose que Allah il lui a prise, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est rahim, il est juste, bah, s'il réfléchit comme ça, fil haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui remplacer par quelque chose de meilleur. Ajrun azim. Donc fil haqiqa c'est une ni'ma, c'est min lutfillah. Mais celui qui ne réfléchit pas comme ça, annahu il perd une chose. On parle même pas d'enfant. Bardana, s'il perd un enfant, Bardahum, là, ils arrivent pas à patienter, ils disent des choses très très graves. Là, on parle même des choses minimes. Une petite somme d'argent, Bardahum, ils insultent, ils sont pas d'accord, et Kamakulna, ils disent, j'ai jamais de chance, pourquoi c'est toujours moi? Bardahum, ils mettent la faute que sur les autres. C'est le mauvais œil, c'est kada, ils se remettent jamais en question. Ah, là, ils se font beaucoup de mal. Léna, tu perdras des choses, t'es fait dunya, t'es pas fait le jannah. Tu perdras des choses, tu perdras des proches. La Bouddhada, qui c'est qui n'a pas perdu un proche? Tu perdras de l'argent, tu subiras des injustices. Lakin, si tu patientes et t'ahtasib, tu sais que t'es fit dunya et tu espères la récompense, le haqiqa, tu auras al-ajr al-azim. Et ça, c'est min lutfillah. Anna, ce qui te prend, le haqiqa, c'est pour ton bien. Qala, fa ni'matullahi alayhi bi akhdhihi ala hadha al-wajh a'zam min ni'matihi alayhi fi wujudihi. Si tu as compris ça, tu vas comprendre cette phrase. Fani'matullah alayhi bi akhdhi. Vous avez remarqué que Cheikh Saadi l'a appelé les deux cas ni'ma. Le fait qu'il t'a donné une chose, c'est une ni'ma. Le fait qu'il te l'a reprise, c'est une ni'ma. Lakin pour eux, c'est facile de le dire avec la langue. Lakin pour que le cœur il accepte ça, et le jour où l'insan il est touché par cette épreuve, annahu il le prend comme si c'était une ni'ma. Hada, il y a des marahil. Hada, c'est pas tout le monde. À la parole, c'est très facile à lire ce passage. Il n'y a pas plus simple. Bi'idnillahi azza wa jalla, que l'application, c'est autre. L'insan, il demande à tawfiq. Pour pouvoir nous aider à réagir comme ça. Dès qu'Allah, il nous donne une chose, c'est une ni'ma. Dès qu'il nous la reprend, c'est une ni'ma. Parmi les choses qui vont nous aider, c'est de connaître les sens des noms d'Allah azza wa jalla. Et parmi ces noms, al-latif. Allah, il t'a donné, c'est min lutfi. Et ça c'est واضح, tout le monde accepte. Pourquoi tout le monde accepte? Parce que l'insan il aime bien le mal. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ. L'insan il aime le mal, il aime les enfants, il aime avoir. Et la plupart des gens, quand on leur retire une chose, c'est le contraire. أَمَّا أَنْتَ لَا لِمَاذَا لِيَنَا. Tu sais que celui qui t'a retiré, qui a repris cette chose, c'est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rahim, c'est le Ghafour, c'est le Karim. Il donne ou il prend, ça reste le Karim azza wa jalla. Bah, si on réfléchit comme ça, ni'matullahi alayhi bi akhdhihi ala hadha alwajh a'zam min ni'mati alayhi fi wujudihi. Bal si on réfléchit comme ça, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il nous reprenne à nos enfants ou une partie de nos biens, fil haqiqa c'est encore une plus grande ni'ma. Limadha? Li'anna il t'a donné, tu as profité et il t'a repris et il te donne encore des récompenses. Si tu réfléchis comme ça, fala shak anna, ça va te simplifier beaucoup de choses. Quand tu es touché par une épreuve, isbir, retiens ta langue, wahtasib. Si tu réfléchis, si on prend la perte d'un enfant, ou la perte de bien, t'as perdu, khalas. Cet enfant, il est parti, ou ce bien, tu ne l'as plus, c'est fini. Fafi hadha al-hal, et c'est tawfiq, c'est min Allah. Essaye de profiter de cette ni'ma. Liana fil haqiqa, c'est une ni'ma. Tu n'as plus cet enfant, tu n'as plus ce bien, tu peux plus le faire revenir. Au moins, fais des efforts pour avoir al-ajr. Bel, si on a une bonne niya et on patiente, fil haqiqa, la ni'ma est encore plus grande. Al-ajr, il est a'zam. La récompense, elle est beaucoup plus grande. Lakin, ça, tout ça, c'est min tawfiqillahi azza wa jal. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Qala, fa ni'matullahi alayhi bi akhdhihi ala hadha alwajh a'zamu min ni'matihi alayhi fi wujudihi wa qada'i mujarrad وطره نعم وقضاء مجرد وطره نعم الدنيوي الوطر سي الحاجة سيعصب للشهوة قال منه وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه بل هو لطف من الله له قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل أعاضه ويلي رمبلاسي par une récompense énorme ou l'ajr al-jamil wa min lutf Allah bi'abdihi an yabtalihi bi ba'd al-masa'ib fayuwaffiquhu lil-qiyam bi wadhifati as-sabr fiha kama taqaddam. Ça c'est min lutf Allah, annahu yatabkhou avec quelque chose et il te facilite à patienter. Enfin, cette patience que Allah il te donne, en haqiqa, il va t'élever en degré, il va te pardonner des fautes et l'achat qui va te donner une énorme récompense. Enfin, ça, c'est mille autres filles-là. Elle m'a vu que beaucoup de gens, ils sont fait rafla an hadhi al-ma'ani. Beaucoup de gens, tu veux qu'ils soient heureux, donne-leur. Donne-leur du matériel, de l'argent. Mouhim, il faut quelque chose, min shahawat al-dunya. Vu que toutes ces choses, on les voit pas. La récompense, tout ça, on voit pas tout ça pour l'instant. Tout ça, c'est fait l'akhira. Ça nous montre l'importance de l'iman. Lakin, celui qui a l'iman, et il est qawi, fait l'ikhlas ou al-sidq. Enfin, là, chacun n'a il oublie pas, hada. C'est pour ça que, s'il est touché par une épreuve, il est pas comme les autres matérialistes, là. L'anahoua, son iman, il l'aide à patienter. Son iman, sa foi, l'aide à l'ihtisab. Il est touché par une épreuve. C'est une ni'ma. Pourquoi? Parce que c'est une fursa pour avoir des récompenses. Hakadha, on doit réfléchir. Comme quand on fait le hajj, quand on fait l'umra par exemple, on sait que faire as-salat fil masjid al-haram, c'est une fursa azim. Fil Mecca, c'est multiplié par 100 000, fil Medina, c'est multiplié par 1000. C'est pour ça que tu trouves, hatta ba'd al-muslimin qui ont des faiblesses quand ils sont dans leur pays, ils font pas salat fil masjid ou peu. Tu les trouves, ils mangent le haram. Quand tu leur dis, c'est multiplié par 100 000, ils font beaucoup d'efforts. Les madal, ils espèrent la récompense. Hakadha, on doit essayer de faire, nahnu inda al-ibtila. Quand tu es touché par une épreuve, ne pense pas qu'au matériel, ne pense pas qu'à cette dunya. Pense, réfléchis, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. C'est un moment pour gagner beaucoup de hasanat. Hakadha, c'est une ni'ma. Tu as été touché par cette chose, profites-en. Une porte, azima, elle a été ouverte. Pour qu'Allah pardonne tes péchés, il t'élève en degré et il te donne. Enfin, profites-en. Qala, rahimahullah, wa min lutfillah bi'abdihi an yabtalihi bi'ba'di al-masa'ib fa yuwaffiquhu lil-qiyam bi'wazifati al-sabr fiha, wazifatu al-sabr, ay, ibadatu al-sabr. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne hada al-sabr. Et ça, c'est min rahmatillah azza wa jalla, c'est min lutfih. Annahu, il te donne cette épreuve et en même temps, il te facilite la patience. Pour celui qui fait les causes. Mais celui qui ne fait pas les causes, cette épreuve, ça devient une niqma pour lui. Ça devient un châtiment pour lui. Qala, fayuni lahu darajatin aliyatan la yudrikuha bi'amalihi wa qad yashtud alayhi al-ibtila bidhalika kama fa'ala bi'ayyub alayhi salam. Rubama hadha al-insan, il n'avait pas assez de amal. Il n'avait pas assez d'action, d'œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien, il veut l'élever en degré, enfin il l'éprouve. Et cette épreuve, elle l'élève en degré. Ça c'est min lutfillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr que tu auras tel niveau, fi dunya ou fi l'akhira, si tu ne fais pas avec tes œuvres, enfin Allah il qadr et il t'éprouve. Et c'est un khair pour toi. Enfin, la haqiqa, cette épreuve, ça devient comme des œuvres que tu fais. Fahmadillah, azza wa jal. Et ta'ammal ma hasala li ayyub, alayhi salatu salam. Une épreuve azima. Sinine, des années. Et il a été touché par une maladie grave. Wa sabara alayhi salatu salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé en degré. Qala wa yujad fi qalbihi halawatu ruh al-raja wa ta'mil al-rahma wa kashfu al-dur fa yakhaffu na'am, ay min al-takhfif alamuhu wa tanshit nafsuh wa lihada min lutfillahi bil-mu'minin an ja'ala fi qulubihim ihtisab al-ajr فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. Ça c'est une ni'ma. Ça c'est une ni'ma. Le mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala fi qalbihi l'ihtisab. Contrairement au kafir. Nahnu ma min musiba, que ce soit la mort d'un proche comme on a cité ou une injustice, on a l'ihtisab ou l'alhamdulillah, yanna on est des croyants et on sait qu'il y aura un jour de justice. Et cette injustice qu'on a subie, elle sera réparée. Kadhalik, cet enfant qu'on a perdu, on sait que bi'idnillahi azza wa jalla yawm al-qiyamah, fais du khayr et tu le retrouveras. Et ça sera une cause. Rubbama yashfa. Rubbama il intercède pour toi et il te fait rentrer fil jannah. Celui qui a hadha la shak anna al-musiba 'indahu, elle va être khafifa. Et tu comprends pourquoi al-kuffar 'inda adna ibtila ou adna musiba, une épreuve minime, une toute petite chose, ba'dhum la yasbir. Pourquoi les nahum ils ont rien? Ils ont rien où ils peuvent s'accrocher. Nous, on a l'iman, on a at-tawakkul wa lillahi alhamd. Les croyants ont beaucoup de choses, amma al-kafir fala. Hada c'est une ni'ma. Hadihi plutôt c'est une ni'ma azima. Qala wa min lutfillah bi 'abdihi al-mu'min al-dha'if annahu yu'afih min asbab al-ibtila التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه الإيقان أي اليقين. Et ça c'est min lutfi Allah azza wa jalla. Les croyants n'est pas tous au même niveau dans la foi, dans la science, dans la patience. المؤمنون يتفاوتون الإيمان يزيد وينقص. Allah subhanahu wa ta'ala min lutfihi أن عبده المؤمن الضعيف, il lui donne pas les mêmes épreuves que المؤمن القوي. فلهذا قال أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه. أشد الناس بلاء أنس الأنبياء كما جاء في الحديث. Pourquoi? لأنهم ils ont ولله الحمد الله, il leur a donné de quoi patienter, de quoi surmonter cette épreuve. Enfin, par rapport à la foi de ce musulman ou de cette musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouvera. Ça nous montre qu'à chaque épreuve qu'on subit, Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, il est rahim. On a de quoi surmonter cette épreuve. Faqat, il faut faire des efforts. Quand t'entends une personne dire annahu c'est trop, annahu il peut plus, fil haqiqa il a pas essayé. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Tu es éprouvé, essaye, Allah yaftah al-abwab. Et l'insan il demande daiman as-salama wal-afiya. Les épreuves c'est pas simple. Lakin l'insan idha butuliya fayatawakkal 'ala Allah. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala wa yasbir. Et walillahi alhamd, les épreuves ça reste pas. Inna ma'al usri yusra. Les épreuves ça reste pas. L'usra ça reste pas. Daiman après l'épreuve, il y a le faraj. Après l'épreuve, daiman Allah subhanahu wa ta'ala il facilite, il allège à son abd. Qala kama anna min lutfihi bil mu'min al qawi تهيئه اسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عن ويزداد بذلك ايمانه ويعظم اجره فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. نعم المؤمن القوي الله سبحانه وتعالى on a dit l'éprouve plus, بل c'est un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. Et Allah subhanahu wa ta'ala, هذا القول القوي لفاسلت. فالمؤمن الضعيف, Allah subhanahu wa ta'ala lui allège. Et le mu'min al-qawi, celui qui a iman élevé, Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve et lui facilite de quoi surmonter les épreuves. فالله سبحانه وتعالى c'est latif. Avec al-dha'if et avec al-qawi. قال ومن لطف الله بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف. صحيح أن الله سبحانه وتعالى من لطفه أنه يفسلت عبد شكا ربما avec des choses différentes. فلهذا قال من الطرق التي تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب. ربما انسان tellement qu'il aime العلم. لكن il est dans un pays, dans une ville, il n'y a pas de savants, il n'y a pas de durous. Et من لطف الله سبحانه وتعالى انه il ouvre des portes et il fait des efforts. اما avec un livre. اما il se concentre sur la mémorisation. اما il écoute des audios. Et Rubbama, il atteint un niveau, bi ikhlasihi wa sidqihi, واحد كي لي كوز ليزا مثلا il assiste à des doses de savants, Obama, il a voyagé, et à la fin, il se vide à Qal. C'est pour ça que ceux qui ne peuvent pas voyager, si on prend l'exemple du ilm, l'exemple qu'il a cité, Cheikh Saadi le Tayyib, si on prend l'exemple du ilm, ceux qui ne peuvent pas voyager, ils ne doivent pas croire à Nahum Khalas, ils ne peuvent pas étudier l'ilm. Là, il y a beaucoup de turuq pour apprendre. Et min a'zamiha, pour celui qui ne peut pas voyager, an ya'taniya bil hifz. Ça, c'est une nasiha. Et al-hifz, c'est min al-ilm. Et là, chaque bel, c'est rouh al-ilm. Avec l'ikhlas, avec sitq al-hifz. L'ilm, il est fondé sur l'hifz. Ilmun bil hifz, c'est pas du ilm. C'est des connaissances, c'est quelques informations. Faqat. Amma al-hifz, c'est l'ilm. Falihada, celui qui ne peut pas, fait des efforts fait l'hifz. Ba'd al-ikhwa, ils ont fait des efforts fait l'hifz. Et ils étaient sincères. Wallahu ta'ala a'lam. Et ils voulaient vraiment apprendre l'ilm, mais ils étaient limités. Il y en a dans leur ville, dans leur pays, il n'y avait pas grand-chose, et ils ont fait des efforts fait l'hifz. Et, rubbama, cet effort, ça a été la cause. Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhim. Et ils ont pu apprendre, ils ont pu voyager, ils ont pu se déplacer, et ils ont, dans leur ville, ils ont pu profiter, walillahi alhamd. Falihada, on fait attention. Wa'ad al-nas, yatlubun al-ilm, s'ils voyagent, ou s'ils sont chez un savant. Ils sont plus chez le savant, il n'y a pas de cours. Je suis excusé, en gros, il n'y a rien, donc je ne fais plus d'efforts. Voilà. Fais des efforts. Obama, lis ce livre, écoute ces audios, apprends ce matin, ou apprends le Coran par cœur et tu verras. Mais idnillah azza wa jal, Allah il t'ouvrira les portes. Et dans ce cas, tu es considéré un akatatlob l'ilm. C'est une ni'ma azim. Talabul ilm, c'est pas restreint à tel pays, ou fréquenter un tel, ou assister au cours de shir un tel. Là, talabul ilm, c'est étudier l'ilm. Chacun selon ses capacités. Hadihi, c'est une fa'ida azima, et ça, c'est min lotfillah. Et à notre époque, walillahi alhamd, c'est min lotfillah. Azza wa jal, les portes du ilm, elles sont كثيرة. Tu es chez toi الآن, tu peux écouter le sheikh en direct. Ou le mudarris, ou le frère. Et tu es chez toi. Ça, c'est min lotfillah. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Quelques années avant, c'était par téléphone. C'était min lotfillah. Lakin, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait payer. Et il fallait une ligne téléphonique. Et c'était à certaines heures. Et c'était limité à quelques sheikhs. Le son, il n'était pas wadih. Ceux qui ont assisté à ce genre de cours il y a quelques années, ya'lamoun hada. Avant cette génération, il n'y avait pas ça. Pour assister au shir, c'était Emma, tu écoutes les cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Emma, tu achètes son livre. Emma, si tu voyages, tu avais ça. Quand tu étais chez toi, tu n'avais pas d'autre solution. Les générations encore avant, il n'y avait pas les cassettes. Là, il n'y avait que les livres. Faqat. Et al-rihla. Nous, on vit à une époque, l'an, avec ces applications, le shir, il commence le dars, Obama, tu reçois un message, des notifications. Vraiment celui qui veut pas. Donc, moi, tu n'as plus qu'à appuyer, écoute, c'est en direct. Tu es tout seul, tu n'as pas besoin d'être dans un endroit avec une ligne téléphonique, tu n'entends presque rien. Obama, tu es dans un endroit au calme, et le son, il est clair, comme si le shir, il est en face de toi. Ou le professeur, ou le frère. Tu n'as plus qu'à prendre le livre, écouter, et alhamdulillah. Dors après dors, c'est pas comme celui qui assiste. Lakin, wallah, il y a du khayr azim. Ça, c'est pour celui qui veut avancer. Ça, c'est min lotfillahi azza wa jal. Et rubbama, celui qui fait hakada et qui est sérieux, un an, ou aqal, ou akthar, Allah yafta alay. Yafta alay, rubbama, il voyage, rubbama, Allah subhanahu wa ta'ala, lui facilite l'ilm dans sa ville ou dans son pays, ou d'autres causes, Allah, il est capable de tout. فصا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله نكتفي بهذا ان شاء الله on continue la suite dans le درس suivant.